peine encore. Les bras me remettent, car aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Je me remémore notre nuit très bien, comme un crabe déjà mort. Tu t'ouvrais entre mes mains, ceci est ma voix, ceci est ma prière. Je te la fais, les deux genoux à terre. Non, non, non, non, non, non, non. Je ne suis plus sous, un peu à bout, c'est rien. Je crois en toi, c'est tout. Allez, oui, c'est moi encore, écoute-moi bien. Moi, la nuit, quand je m'endors, je t'imagine très bien. Par-dessous d'autres corps, me réclamant en vain, me fait parler de mort, de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière. Je te la fais, les deux genoux à terre. Non, non, non, non, non, non, non, non. Je ne suis plus sous, un peu à bout, c'est rien. Moi, je veux de toi, c'est tout. Écoute-moi bien, moi je voudrais qu'une fois encore tu me prennes pour quelqu'un. Que tes yeux brillent si plein, comme moi quand je suis plein. Ne fais pas les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière. Je te la fais, les deux genoux à terre. Non, non, non, non, non, non, non, non. Je ne suis plus sous, un peu à bout c'est rien. Moi je crois en toi, c'est tout. Plus sous, un peu à bout, c'est rien. Moi je veux de toi, c'est tout.